Oui. I am an antichrist, and no one near the house. Ça part dans le micro. 'Cause I wanna be an king. Beep. Show the taxi in a bathroom. Non, mais c'est parce que j'ai eu un problème familial. Show the taxi. C'était une chute de trottinette. Tiens, le taxi. Et son père, ce week-end, il va faire des chutes de bicyclette. On va sortir le DH. Ouais, ça va, Mike. Ça joue comment, sur le taxi? Sur le taxi. Hey, sur le taxi. Andrew Petit, Vanessa Paradis. Ouais, j'avais lâché le manche, j'ai pas fait grave. Sur le taxi, il va pas partout. Il marche pas au soda. C'était mi mineur. Taxi. La mineure. 65, d'accord. Je savais qu'il kiffait Vanessa Ben. Des fois, les tablatures, ça peut être les bonnes. Brigitte.